20h, 21h, Improstation. Mais oui, c'est ça, mais oui, bande de lorrains. Il y a quand même quelque chose en vous, à ce qui paraît, vous êtes le maillon faible de cette grande région. Mais non, parce que qu'est-ce qui vous rattrape? Qui? Quoi? Qui? Une bande d'improvisateurs. Et non, alors là, mais de qui on parle? Mais de quel improvisateur? Alors là. Écoutez-les, ils vont tous parler en même temps. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. L'équipe de choc de ce soir, et ça me fait grand plaisir de retrouver l'improvisateur le plus barbu de Lorraine, minimum, monsieur Cédric Lacroutz. Comment ça va? Ça va. Bon, alors, c'est, tu vois, mal. Ça, c'est un truc qu'il faut pas trop faire. De crier comme ça? Ça va. Voilà, ça fait mal aux oreilles de nos auditeurs que l'on salue en ce jeudi soir. Bien évidemment, ça nous fait plaisir de... Hey, Cédric, qu'est-ce que tu deviens? Bah là, je suis mort il y a 2 ans. Ouais. Et là, je viens de ressusciter comme tous les barbus, quoi. Voilà, comme voilà. Tous les belles barbes d'ailleurs. Ouais. Tu la portes bien, ça te va bien. Tu ouais. Sais. Elle fait un ouais. Petit truc en avant comme ça. Ouais. Qu'on peut ouais, pas c'est voir. Pas mal. Ouais, c'est à cause de l'écharpe. Voilà. Ah oui, à cause de l'écharpe. Ouais, c'est l'écharpe. Ah oui, qui pousse le. Voilà. Ça, ah ouais. Ouais, ça ah oui, c'est marrant ça que l'écharpe. Bon voilà, merci d'être là. Ça fait un moment que tu n'es point venu et tu es accompagné ce soir bien sûr de nos collègues, de nos amis, des vrais Lorrains. Les Messins, qui sont là ce soir, parmi nous, plus ou moins Messins, parce que toi, Alex, t'es pas vraiment à Lorrain de base, mais maintenant, tu es carrément, tu fais partie intégrante de la Lorraine. Hein. Depuis 10 ans, ouais. Ça va, Alex? Ouais, super. Alex du Bordel. Alors, c'est un nom, Alex du Bordel, oui, c'est sympa. Justement, vous allez nous expliquer tout à l'heure en quoi consiste le bordel. Tu es accompagné ce soir d'un, c'est sa primo, c'est sa première fois, et un primo arrivant, Clément Anquinet. Bonsoir. Ça va Clément? Ça va très bien. C'est ta première radio ou c'est ta déjà première fois à Fadjet, c'est ça? C'est ma première radio, oui. C'est ta première avec radio. Avec toi. Oh. J'en suis enchanté. Ouais. Ça fait... ouais. Là, tu vas voir, ça va bien se passer puisque vous êtes aussi accompagné d'un grand homme, d'un jeune âge, mais déjà un grand homme. Il est venu il y a pas longtemps. C'est quand que t'es venu toi? Bah, je suis venu le mois dernier. Le mois dernier. Pourquoi t'es venu le mois dernier? J'étais allé avec les TNTB. Ah ouais. Et toi, t'es comme ça, tu bouffes à tous les râteliers. Ah oui, c'est mon surnom. Monsieur Antoine, il est là et vous l'aimez forcément, vous qui le voyez sur scène, que ce soit à Nancy avec les Peps par exemple. Les Peps, ouais. Également, peut-être les TNTB. Les TNTB jouent. C'est comme ça. Joue de même. Voilà. Et donc on te voit aussi parfois à Metz, c'est ça? Oui. Avec le. Donc avec le Minou et le Bordel. Le Bordel. Très bien. On va en parler tout à l'heure. Justement, il est 20h et presque 3 minutes. Bien sûr, le principe de cette émission, vous le savez maintenant, on improvise sur des thèmes, une ambiance sonore, un mot, une envie, on fait tout et n'importe quoi. Ce soir, je le tiens à le préciser, soirée spéciale Manu Etienne. Non, même pas. Manu Etienne, artiste lorrain, encore là, quelqu'un qui remonte le niveau, qu'on va entendre, qu'on va découvrir tout au long de la soirée. Et notamment, le premier thème, parce que le principe, bien sûr, c'est d'improviser un maximum tant que faire se peut. Le premier thème est le thème invisible du premier titre de cet album Vaudémon de Manu Etienne qu'on va découvrir tout au long de la soirée. Invisible, voilà votre thème. Bien sûr, je vais vous donner un petit jingle et après une ambiance sonore que vous allez intégrer, bien évidemment, à votre histoire. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Très clair, ouais. Pour un truc invisible, c'est super clair. Ouais, c'est bien. Allez, vous êtes prêts, on y va. Première impro dans Impro Station, on y va. C'est parti, mon kiki. Non, pardon, c'est pas ça justement que je voulais. Ça, c'est justement la chanson. Je voulais l'ambiance sonore. Je relance, évidemment. Au départ. Voilà. Voilà, c'est bien. Oh! Oh! Oh! Il y a quelqu'un? Eh oh! Je vais sortir vérifier, monsieur le président. Merci. Revenez vite. Hubert? Hubert? Ne vous approchez pas du jardin. Mon bon Hubert, où êtes-vous passé? J'arrive, Hubert. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Vous savez qui je suis ? J'en ai une vague idée, mais... Alors vous savez pourquoi je suis là ? Non, pas ça. Et si ? Pas la valise. La valise, maintenant. Non, non, jamais de la vie. Alors, je la prendrai moi-même. Allô, Judson. Yeah. Écoute, je me suis occupé du président. Il n'y a plus qu'à saisir de la valise. Prends la valise. Tu as le code? Le code, nous l'avons depuis longtemps. Ok, alors j'y vais. Non, je déteste les chiens. Non. Ah. Ah. Non. Poupinou, au pied. Judson. La valise sur le bureau. Tu essayes de me doubler. Je ne t'ai pas essayé, je... ai réussi. Prends-la, Judson. Je l'ai déjà pris. Allez, en va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Je suis... Eh, hey, vous avez pas compris la blague de fin? Je suis déjà parti! Ah! Eh ouais! Vous avez pas compris! Ben ouais, ouais, et voilà, première improvisation, info très actif, parce que c'est impro, eh ça oui. Démarre tranquillement, il y a pop-up et après, faut être à l'écoute. Eh voilà, dans cette soirée spéciale Manu Etienne, mais aussi spéciale bordel, si je puis dire. Et alors, qui peut m'expliquer ce qu'est le bordel au juste? Qui? Ben notre président, Clément, il va l'expliquer. Ah, on a le président en plus. Clément. Bonsoir. Bonsoir. Ben le bordel, c'est six copains qui ont décidé de fonder une troupe d'impro pour explorer l'improvisation dans la explorer. Bonne humeur. Explorer ou explorer? Explorer. Explorer. Explorer quoi, juste précisément là? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Ah, qu'est-ce qu'on cherche? Des émotions, des sensations et des nouveautés. Ah, des sensations et des nouveautés. Dans la forme, surtout, les concepts, on va essayer. Avec des concepts, c'est ça? Donc pas de match, pas de... Peu de match. Peu de match, d'accord. Et vous êtes combien là dans ce à foutre le bordel là? Eh ben on est 6, donc il y a Alex et Antoine qui sont là. Ouais. Il y a Sylvain qui est parti en vacances au Cambodge. Ah mais il a le droit, d'accord. Ouais. Chris qui est en Savoie. Ouais aussi. On est une troupe de touristes. D'accord. Et Erwan qui à mon avis nous écoute de Bretagne alors qu'il est... Ah bon, le salut alors, oui bien sûr, on va, d'accord. Bonsoir, et ben voilà, donc Erwan revient expressément ou du coup c'est plus dur ou il va vous inviter peut-être à jouer là-bas? J'ai trop envie d'en parler en fait. D'accord. Ah, ok. C'est un sujet tendu. Ok. Voilà. Tendu. Donc Erwan revient. D'accord. Ouais, non, d'accord. Et toi, Cédric Lacroute, est-ce que t'as un lien avec le bordel ou tu fous toi-même le bordel tout seul? Ouais, j'ai pas mal de liens actuellement là dans cette émission, tu vois. Je connais bien forcément Alex, hein, Alex qui était mon petit chouchou il y a 11 ans quand on a commencé à filer des cours. Eh, c'est là que t'as commencé. Ah, c'était et à commencé les dans cours. Une école à Nancy. Ouais, on peut pas dire le nom parce que c'est vraiment une école de fumier, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une école de fumier? Ma sœur est sortie de cette école, alors tu te tais. On va dire une école de compost. D'accord. Donc voilà. Très bien. Et c'est là que t'as fait tes premiers cours, que tu as donné ces premiers cours à Alex, qui est si présent. Pendant 2 heures d'entraînement, vous avez du Mécado à peu près. Mécado pendant 1h56. C'est vrai que c'est sympa. On faisait une impro, mais. Non, t'étais toujours en retard de 4 minutes, donc. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Ouais, enfin, ouais, aujourd'hui, c'est t'étais en avance aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Il était en avance. Ça, c'est quand même à noter. Ça, c'est. Hein, oui, complètement. Oui, noter, c'est vrai. Tu as raison. Quand on ressuscite, tout change. Ah, est-ce que. Ça s'inverse? Non, c'est pas ça s'inverse. Je pense que c'est un peu le nouveau Cédric qui est là. Ah bon, quand même. Le nouveau Cédric. C'est un peu le nouveau Cédric. Bien, bien, bien. Bon, bah écoutez, tout un programme, c'est bien, c'est bon à savoir. Bah on va découvrir ça. Moi je vous propose justement de découvrir très rapidement parce que c'est très court, justement le morceau Invisible en lien avec l'improvisation juste précédente, Invisible. J'ai modifié. Manu Etienne, et on se retrouve juste après pour improviser évidemment. Soit les mots comme le visage de cette statue. Aucune photo ne me correspond. Cette lettre. j'ai trouvé était si triste pour un matin. Ça va pas bien d'écrire des trucs comme ça. Dimitri de Tekel ne me regarde plus. Même la dame qui parle tant pour tout vous dire, même en dormant, ne me regarde plus. Je sors un peu, les rues me perdent, je marche encore, c'est déjà ça. Avez-vous vu comme le soleil est bas? Suis-je déçu? Suis-je décevant? Quelle importance dans l'escalier qui me mènera à mon dernier essai? Manu Etienne, Invisible, à découvrir, donc je vous le recommande si vous voyez un concert dans le coin. Avec ses musiciens, David Lullier, Tom Rockton, c'est du bon, du très bon niveau. Il est déjà 20h12 minutes et on va continuer à improviser, bien sûr. Nous sommes là pour cela et nous retrouvons nos acteurs de ce soir. Est-ce que ça va, messieurs? Bien sûr. Oui. Alors, prochain thème qui est tiré aussi de l'album. Le thème sera de station en station. De station en station, voici votre thème. Et je vous propose, bien sûr, une ambiance sonore immédiatement. Êtes-vous prêts, jeunes gens? Ouais. A priori, oui. Ouais. C'est parti. Chungo Melimnudi est champion du monde de saut à ski. Il arrive à parcourir plusieurs kilomètres par saut. Il passera de station de ski en station de ski, juste pour votre plaisir. C'est du saut à ski ninja dont il s'agit, mesdames et messieurs. Ouvrez grand les yeux, la comète Lee va passer. Tu es sûr qu'on devra le faire? Oui, je vais le faire. Je vais réussir à... Je vais le faire pour mon pays. Mets ton casque. Je vais le faire pour mon pays. C'est pas grave si on t'entend pas, tu seras à des centaines de kilomètres heure. Tu me lances. Vas-y, lance-toi. Attention, tu n'as pas mis le feu de toi. Mais quel est cet endroit? Et vous, qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de ces terres. Ces terres? Mais il n'y a pas de terre ici, il n'y a que des stations de ski. Et alors, la neige est à moi aussi? Quoi? Vous vous êtes approprié la neige? Tout à fait. Alors vous pouvez peut-être voler, mais vous n'aurez plus rien pour atterrir. Tu es fait. Moi, je crois plutôt que c'est toi qui es fait. Tu vas subir l'attaque du saut à ski. La légendaire attaque. Tu n'en es pas capable, j'en suis sûr. Je n'en suis pas sûr, moi non plus. Et il n'est pas sûr de pouvoir tenter cette attaque. Et pourtant, il va le faire, car nous sommes dans un combat de freeform. Et je crois que son adversaire... Ah, il se déshabille aussi. Ah, il est en petite tenue. Ah, nous allons assister, Jean-Marc, à un combat exceptionnel. Effectivement, un combat entre sauteur à ski et skieur de boss. Donc, ça risque de donner quand même un petit peu de l'intérêt à ce combat. On regarde tout de suite. Alors cette utilisation du bonnet à neige est quand même assez particulière, vous pouvez nous la décrire, Jean-Marc? Effectivement, le bonnet à neige, c'est simple, hein. C'est donc un seau qui finit dans une bosse, et c'est cette bosse hein, qui devient donc une sorte de bonnet géant pour le skieur qui est atterri la tête la première dedans. Alors là, on remarque tout de suite que le candidat numéro 2 a la figure toute bleue avec des grosses plaies. Hein. Ces plaies sont dues au ski directement ou... Alors effectivement, donc, les plaies sont dues directement à la douleur en réalité. Hein. C'est intimement lié. C'est plutôt qu'il est en une mauvaise passe. Hein. Là, j'ai l'impression que le bosseur est en train de prendre le dessus. D'ailleurs, il réclame quelque chose. Ah, tu vas être terrassé. Prends mon bâton, sale foiré de sauter à ski. Alors, est-ce que c'est permis ça? Depuis les règles de 1992 et la convention de Genève, nous ne sommes pas autorisés à vous parler de ce qui se passe actuellement. Est-ce que c'est un geste permis ça? Alors le ski se passe effectivement n'est pas autorisé actuellement en saut à ski ni en bosse. Il faut savoir que là, ce qui est en train de se passer, c'est du grand n'importe quoi. C'est un petit peu hein, la dérive de tous les sports, hein, le football, le basket, tout le monde s'y met. La simulation également commence à prendre part un petit peu. Bon là, on voit bien que c'est pas de la simulation, mais c'est quand même du grand n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, l'arbitre est obligé d'intervenir pour séparer les deux candidats. Alors effectivement, l'arbitre volant hein, pour l'occasion, on pourra dire le corbeau si on veut, mais non, il intervient, il sort effectivement. Ah, un carton bleu. Carton bleu. Alors quel est ce scandale? C'est un scandale, monsieur. Carton bleu. N'importe quoi. Alors le carton bleu, c'est simple, hein, c'est une expulsion temporaire. Temporaire de 5 minutes. Voilà, donc pendant 5 minutes, ils doivent voler, mais sans vraiment utiliser son matériel. D'accord. Alors comment va-t-il faire? Alors je note quand même qu'il a une technique assez particulière pour voler. Hein. Et donc, quoi, vous pouvez le remarquer sur notre ralenti, regardez bien. Ah, voilà. Oui, effectivement, il utilise ses oreilles, c'est quand même assez particulier, oui. Oui, voilà, et il retombe directement, mais comme il n'a pas les skis, c'est là où la fameuse bosse intervient. Oh. Allez, tiens, prends ça, le coup final. Alors, nous vous laissons sur ce magnifique coup final, hein, même si toutes nos attentes sont un peu déçues. Hein, on s'attendait à un grand voyage de station en station. Nous aurons eu un combat épique sur la station de Courchevel, mine de rien. C'est déjà pas mal pour ce nouveau sport hein, qui voilà. Vient d'apparaître. Nous vous donnons rendez-vous à Val d'Isère et à Isola 2000 pour les prochains tournois. Jean-Marc et moi vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons une bonne soirée sur W9. Bonne soirée. Eh bravo, on peut s'applaudir, on peut le faire, ça fait du bien, oui. Je m'applaudis moi-même. Ouais. Alors, il y a un petit dérapage, un petit décrochage d'accent. Hein. On est parti sur l'Asie de l'Est vraiment, et après on s'est revenu. C'est formidable, de station en station comme ça. C'est ça. Très bien, voilà cette deuxième improvisation. Juste avant la suivante, on va enchaîner, bien sûr, on va faire un maximum d'improvisation. Un petit peu d'actualité dans les associations ou dans Cédric lui-même, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit peu d'actualité à venir, ouais, dites-nous. Ouais. Pas mal de choses. J'aimerais bien parler de deux choses. Vas-y. Je peux parler de deux choses. Oui. Alors, j'organise un festival au mois de juin. Ça va être sur le deuxième week-end de juin. On va fonctionner sur un système de 3 jours de spectacle, 4 troupes d'improvisation en tout, une de Nancy et des alentours qui va être fabriquée au fur et à mesure du temps, et puis 3 équipes de copains qui sont invités, dont pour l'instant les Troubadours du Chaos, et puis j'attends donc les Troubadours du Chaos qui sont de Genève, qui sont des foufous comme ça, un petit peu de l'impro, et puis d'autres troupes, on verra bien qui va répondre à l'appel pour l'instant qui a été lancé. Donc ça c'est pour les alentours du 9, 10, 11 juin à la MJC Bazin, c'est le festival. Voilà. Ça s'appelle comment ? Il n'y a pas de nom, mec. Ah, tu sais bien que j'improvise tout, même l'organisation des festivals. D'accord. Et c'est surtout l'occasion de faire rejouer anciennement les Human, qui étaient pas mal partis, tu sais, ils sont un peu partout en Europe, là. Ils sont à Montpellier, notamment, Bruxelles, tout ça. Et le but, c'est surtout de faire un festival de copains. Et de faire pas de match, mais des concepts. Donc c'est aussi un appel aux troupes à nous amener des concepts d'improvisation qui essayent de changer pas que la forme du spectacle. Hein. On va pas faire des matchs déguisés, mais on va faire des vrais concepts parce que maintenant, mine de rien, ça commence à bien cartonner. les concepts en impro. Il y a de plus en plus de trucs vraiment intéressants. Et puis, bah, sur, ça change vraiment le fond de l'impro. Et puis, bah, c'est, je trouve que c'est vachement intéressant à regarder plutôt que des petites impros comme ça à la va-vite. Non, là, on a des choses vraiment bien denses et bien complètes. Les copains de l'impro. Hein. Ouais, les copains de l'impro, c'est pas mal. Ouais. Ok, mais très bien. Donc ça, c'est 9, 10, 11 juin. Ouais, ouais, ouais. Suivez l'actualité. Il y aura quelque chose sur un site ou sur Facebook, peut-être, ouais, c'est ça. Il y aura de la communication moderne ainsi que de la communication papier, bien sûr. Très bien. Le bordel, est-ce qu'il y a une acte... Ah oui, pardon, tu avais une seconde chose. Ouais, on se garde pour après, d'accord. Pour après, après ouais. Super. Le bordel, un truc oui, à alors, nous dire. Nous, on organise une grande compétition de football qui s'appelle l'Euro 2016. Ouais. Ça a lieu en France, dans différents stades. Et c'est au mois de juin aussi, non? C'est au mois de. Ça commence juin, quand? Au mois de mai, bah, du 15 juin. Au 15 juillet avec ah ouais, la grande finale d'accord. Au Stade de France. Bah juste après les copains d'abord. Venez soutenir la France hein, dans le premier match contre la Suisse au Stade de France et tout ça. Enfin, d'accord. Là, vous trouverez les informations sur notre site. Et pour les places UEFA.fr. Ouais. Et on fait comment avec les places? Pour les places. Les places, il y a une sorte de tirage au sort si vous voulez. On a, comme vous ne pouvez pas satisfaire à toutes les demandes, on a créé un tirage au sort. D'accord. Ouais. Donc je suis même pas sûr de pouvoir y aller à deux. Quoi. Il faut absolument peut-être qu'on tire au sort et peut-être on se fait tirer au sort et peut-être pas dans le même match quoi. Non, peut-être pas dans le même match. En revanche, si tu d'accord. veux aller quelque part à deux, tu peux venir voir le bordel le 2 avril à Metz voilà. pour un concept d'accord. original du bordel qui s'appelle le carrousel où on fait des impros longues, courtes, un petit peu de tout. Très libre comme concept. C'est le 2 avril à Metz. Et c'est où à Metz? Parce que Metz c'est bien. Mais c'est Metz, la MJC des 4 bornes. C'est notre repère. D'accord. Plus d'informations sur le site de l'UEFA. Voilà. Ou sur la page Facebook du bordel. D'accord. On joue aussi également le 9 avril à Nancy. Ah bien. Pour la demi-finale de la Stanley Cup. Ah il y aura aussi demi-finale. Ouais. Et il y aura aussi les. Donc nous on jouera contre les Improdisiaques. Ouais, bon, bah c'est gagné. Il y aura aussi. Mais je suis mauvaise là. Alors. Et il y aura aussi les Peps contre les Stanislas dans l'autre demi-finale. C'est ça. C'est gagné. C'est ça qui est bien parce que tout est possible en impro. L'émulsion, la rencontre, l'émulsion, on boit des couilles et après on se frite. Non, c'est bien, c'est vraiment génial. Pourquoi on se frite? Ah ouais, les grosses bagarres de fin de soirée, c'est trop mais bien. C'est, avec des frites en mousse comme ça, c'est génial. J'adorais ça. Oh là là. Bon, n'importe quoi. Et à travers de blabla, il faut improviser maintenant, d'accord? D'accord les gens, hein. Bon alors, d'accord. Je vais vous proposer une catégorie cartoon où vous allez tout faire. Je ne mets pas de n'imprimé, je mets rien. Vous faites tout. Débruitage, c'est du cartoon. Alors bien sûr, le cartoon est souvent a priori visuel, mais vous êtes plus que ça. Vous êtes au-dessus du niveau. Vous allez faire un cartoon radiophonique. D'accord. Okay. Allez, okay. Je vous prends un thème de toujours l'album de Manu Etienne qu'on écoute ce soir, et le thème sera Christmas Suicide. C'est gay. Christmas Suicide. Christmas Suicide est en mode cartoon radiophonique. Le petit jingle et c'est parti. Allez. Ah ben, je suis content que vous soyez venu, inspecteur, parce qu'on a on ne sait plus quoi faire. Mais allez-y, venez avec moi. Montrez-moi ce qui s'est passé. Ça s'est passé sous le sapin. Ah, on sait pas. Venez. Sous le sapin? Ouais. Regardez, une grosse tache de sang et le canard, là, il est tout mort. Je vais procéder à des analyses. Mais, c'est pas du sang. Alors, c'est quoi? C'est du jus de cerise. Alors... Ça ressemble à une seule chose possible. C'est la signature du cerisier masqué. Le cerisier masqué? Non, pas lui. Il nous a déjà caché le Noël dernier. Eh oui. Et il va recommencer si on ne l'arrête pas. Mais où est-il, inspecteur? Au Japon, le cerisier masqué se cache dans son repère. Ils ne me trouveront jamais par ici. Que croivent-ils? Retour en France. Regarde sous ce... Regarde sous ce sapin. Bah, qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il a laissé des baguettes pour manger du riz. Ah bah, regardez les baguettes, il y a écrit « Je suis caché au Japon ». Oh, le saligo. Au Japon? Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes baguettes? En France? Allons au Japon! Au Japon? Toc, toc, toc! Cerisier fou! Ça y est, mon truc! Allez, salaud! Nous sommes là! Et nous sommes là pour te choper! Ouais, sors de ta tanière! Je me rends! Ça peut pas être si facile, il y a forcément un piège! Non, il est pour nous, lui! Au royaume des pièges? Il nous manque un piège, là. Où est-ce qu'il peut bien être? J'ai l'impression qu'il est... Attendez, voir, je l'ai enregistré. Il est au Japon, au niveau du... Chez le cerisier masqué. C'est bien ce qui me semblait... Au Japon ? Oh non, c'était un piège ! Vous êtes tombé dans moi ! Je vous ai retenu ! Cerisier masqué ! Vous ne devinerez jamais comment il faut faire pour sortir de ce piège ! Eh ben, je vais demander à Cerisier masqué ! Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait du mode d'emploi ? Je l'aurais pas laissé dans le piège quand même. Eh ben si, c'est moi qui l'ai. Bah, le con. Tu vas nous le dire alors, piège. Eh ben non, vous n'avez qu'à le lire vous-même. Il est par terre. Quoi? Non. Hors de question que je fasse un gros câlin à cerisier masqué. Alors ça, jamais de la vie. Eh bien vous ne sentirez jamais. J'ai un tel manque d'affection. Oh, il y a des fois où il faut salir sa chemise. Vous savez, je me sens seul, moi, au Japon. Je tue les gens qui m'entourent, forcément, je suis seul. Approchez-vous, s'il vous plaît. Allez. Pendant ce temps-là, en France. Bah, j'espère qu'il lui fout une sacrée raclée, un cerisier masqué. Hein. J'en ai marre qu'il nous bouffe nos Noël. De retour au Japon. Toutes ces années à te courir après. C'est tellement réconfortant. Finalement, toi et moi, on n'est pas si différents. Oh là là, Moi, t'es pas tout, mais nous, on veut le mettre en taule, le cerisier masqué. J'irai où tu veux avec toi. Ah bah j'irai avec toi alors. Allez, mets-moi les menottes. À l'intérieur des menottes. Retour au Japon. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est dans cette prison, toi et moi. Et je suis si heureux. Si heureux avec toi. Je ne voudrais pas être ailleurs. Ailleurs. On s'emmerde ici, c'est chiant, j'aimerais bien être de retour à la prison japonaise. Salut, comment ça va? Mais vous êtes qui, vous? T'as une jolie petite branche, toi. Et t'as un joli petit masque. Tu me le prêtes? Non, pas mon ami. Vous ne le toucherez pas. C'est trop tard, je suis en train de le caresser. Enlevez vos sales griffes de cet arbre. Trop tard. Il me maintient dans le... Reste avec moi. Cerisier masqué, tu vas me faire ça à moi alors que je suis allé en prison juste pour toi? En France. En réalité, on a mené l'enquête et on s'est rendu compte que c'était pas vraiment du jus de cerise, mais bien du sang de Père Noël dont il s'agissait. Donc, c'est pour voilà. Ça que t'avais un cadavre du Père Noël sous le sapin aussi. Exactement, bon, le cerisier masqué, c'était juste... Bon, désolé. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors bien sûr, il faut s'accrocher pour suivre tout ce qui se passe, mais c'était évident. Hein, mais c'est ça le rythme, ça envoie. Et c'est ça qu'on aime bien. Bravo messieurs, toujours avec un petit décalage, un petit peu. J'aime bien quand c'est n'importe quoi. Oh là là, mais c'est ce que je leur dis tous les jours. J'aime bien. Enfin bon. Remets tes vêtements, s'il te plaît. Bon, un petit peu de Zigmu, un peu de Moret, ça se dit plus du tout. Un peu de musique avec Manu Etienne. Ouais, Vos démons, c'est l'album. Et on aime bien. Et je vous propose. Invisible. Eh ben non. Allez, un peu acteur de complément. Christmas Suicide, par exemple. Non, oui, c'est vrai qu'on pourrait. Station on pourrait la mettre. Mais j'ai plus envie de mettre acteur de complément. Mais je la mettrais. Parce qu'il faut que je calcule laquelle c'est écrit. Voilà, enfin bon. Allez, on met celle-ci, c'est parti. Acteur de complément. Ouais. J'ai peur de se tirer dessus, ça. Allez, Improv Station, on se retrouve juste après. Bien sûr, on parle encore de l'actualité de Cédric Kakrout. Parce qu'il y a des choses à dire, apparemment. Parfois on se Manu Etienne dans Impro Station, et comme on le disait avec Cédric, hein, on aime bien ces gens sympathiques, et voilà, si on peut vous le faire écouter et découvrir, tant mieux, on vous le conseille fortement. Allez, déjà une demi-heure d'émission, il est pour nous temps d'improviser avant de retrouver Cédric et son actualité. On va directement improviser et je vous propose un nouveau thème avec cette fois-ci, ce seront le thème et les passages les plus importants. Les passages les plus importants. Je comprends pourquoi rien du tout. Ouais, c'est un thème, c'est un titre, les passages les plus importants. Ah, d'accord. Hein, alors, c'est pas ce que c'est, mais à vous de faire ce que vous voulez. Avec une suggestion d'ambiance sonore derrière, on y va. C'est parti, mon kiki. Aujourd'hui, dans les passages les plus importants, vous allez découvrir les passages les plus importants. Et c'est important de connaître les passages les plus importants. Dans les passages les plus importants aujourd'hui, le passage piéton, bien entendu. Le passage piéton, inventé en 1862 par Robert Piéton, a été introduit à Paris dans les années 1863. Wouh ! Le passage piéton permet aux automobilistes de s'arrêter et de laisser passer le piéton afin de ne point l'écraser. À l'origine en jaune, ils ont finalement été conçus en blanc parce que le blanc était beaucoup moins cher que le jaune. Pour ça ! Le passage piéton est constitué généralement de 18 lignes qui sont parallèles et qui sont d'une largeur d'à peu près 1 mètre. Le passage secret. Le passage piéton le plus célèbre, excusez-moi je n'avais pas fini, est celui qui se situe sur la pochette des Beatles Abbey Road. Le passage secret. Le passage secret a été inventé dans les années 1862 par Monsieur Secret. Il avait l'intention de construire un passage secret entre le Vatican et le château Saint-Ange à Rome de façon à ce que les papes y puissent s'échapper en secret. Amen. Le passage secret tire son nom de Monsieur Secret. Mais savez-vous de quoi tire son nom Monsieur Secret ? Mais non ! Ben d'un secret, évidemment. Wow. Les passages secrets ont fait la renommée des villes telles Ouarzazate, mais aussi Fekir et aussi également Tunis. Info plus. L'info plus du jour est que un homme est resté bloqué pendant 8 ans dans un passage secret. Le passage parce que t'es méchant. Le passage parce que t'es méchant est une sorte de passage à tabac que l'on fait généralement en Amérique. Par exemple, si vous vous baladez dans un quartier de noirs en étant blanc. Oui, alors c'est ce qui m'est arrivé, donc j'ai un petit peu de mal à en parler. Donc, est-ce qu'on peut changer de passage, s'il vous plaît ? Vous pouvez vous exprimer librement. Mais c'est un passage difficile pour moi, I'd rather say it in English. Exprimez-vous. I was walking and someone clapped me in the face and I was down and he pinched me with his feet. Et ça, c'est le passage romantique, n'est-ce pas ? Juste avant, le passage à tabac de l'armée anglaise. L'armée anglaise qui passit à tabac. Passit, on dit. Oui, passit à tabac. La population indienne. Dans le début du XXe siècle. Le peuple indien, voulant se libérer sous l'impulsion du grand homme Gandhi, voilà, se fit passer à tabac. I want ça, you to stand up for the English and throw them away. My name is Gandhi and I want you to... Voilà, vous savez un peu tout mieux sur les passages aujourd'hui. Alors, bienvenue à nos nouveaux auditeurs. À la semaine prochaine pour notre prochaine émission qui sera sur le thème, bien entendu, des... Des caramels. Et voilà, vous saurez tout sur les caramels. Wouhou. Les mous, les durs, les moins les caramels mous, les et les caramels. Alors, une petite information sur les caramels. C'est intéressant, parce que... Super propre, la fin, là, oui, en fondue, oui, comme ça. Nickel. Ah, bravo, là, bravo, les gars. Un bon petit, une bonne petite fondue. Franchement, très bien. Complètement encore décalé, mais effectivement, ça marche toujours bien. Bravo à vous. Alors, on retrouve Monsieur Lacroute et son actualité. Parce que tu veux le parler de deux choses. Tu vas parler de ton festival, ouais, les, ouais, copains de l'impro. Les copains, ouais, les copains. Et là, maintenant, une autre actualité au quad. Ouais. Alors, ce ne sera pas du tout à Nancy, mais par contre, c'est un appel un peu à la Générale de Gaulle. Attention. Ouais. Le 14, 15, 16 et 17 juillet 2016, cette année, Il y aura un jour férié, hein, le 14 juillet, c'est férié, donc vous avez un gros week-end, hein, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour venir participer au VICE. Qu'est-ce que le VICE ? Le VICE, c'est la première convention d'improvisation en France, et ça va se passer à Clermont-Ferrand, et ils attendent pas moins de 150 participants. Wow. Quand on dit participants, on parle bien d'improvisateurs. Okay. On veut 150 improvisateurs sur place. Il y aura 4 jours de workshop, il y aura 4 jours de spectacle. Ça va coûter par personne une centaine d'euros, ce qui paraît gros comme ça, mais en réalité, c'est rien quand on voit que c'est participation au workshop sur 4 jours avec des pros tels que je vais oublier Flavien Ruppert. Il va y avoir aussi notre ami anglais, c'est pas vrai que son nom m'échappe maintenant, Mark Jane, excellent, et puis Qatar Jena Van der Perdek par exemple, que des grands noms de la formation qui seront là-bas pour former tout un chacun en impro, du débutant jusqu'au plus confirmé, et puis des spectacles le soir entre ceux qui vont participer au stage et puis ceux qui bien sûr vont amener des spectacles tout prêt, tout cuit. Ça va être, je pense, la grosse teuf, parce que 150 improvisateurs au même endroit, je pense que c'est du jamais vu. Ça vaut le camp. Ça quoi, ça vaut le camp? Tac, tac. Ça vaut le camp. C'est quand? Le VICE, 14, 15, 16, 17 juillet 2016 à Clermont-Ferrand. En réalité, ça sera à Rion, Châtel-Guyon, mais personne ne sait vraiment où c'est. 50 km au nord de Clermont-Ferrand. Même pas, 20 km à Ticassac. D'accord, bah écoutez, Une pure salle qui s'appelle la Puce à l'oreille, d'ailleurs, que je vous conseille au passage. C'est une salle de spectacle comme on n'en fait plus beaucoup, et franchement ils déchirent, leur accueil déchire tout. Voilà. Venez. Mois de juillet, vous avez le temps. Vous êtes improvisateur, plus ou moins confirmé ou même initié? Franchement, grosses vacances d'impro, vous rencontrez trop de monde et tout, ça va être pas mal. Ouais, c'est juste après notre festival Euro 2016. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est juste après. Vous pourrez voir la finale directement, qui sera déplacée, je crois, à Clermont-Ferrand pour l'occasion. Oui. Ouais, voilà. C'est quoi la finale, Brésil? La finale de l'Euro, ouais, Brésil. Serbie. Serbie-Monténégro. Ouais. Ah, très bien. Trois équipes. Bah, parfait. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ouais, ça marche. Ah, très bien. Et bien sûr, on parlera aussi très vite de la semaine de l'impro à Nancy. Hein. C'est quand même l'actualité, aussi une grosse actualité de l'impro à Nancy, évidemment. Alors, ce soir aussi, on est jeudi soir, si vous êtes déjà un petit peu tard, mais il y a aussi grève de comptoir ce soir dans les cadres des planches de l'étoile. C'est à la MJC Étoile, justement, à Vendeuvre. En même temps, si vous écoutez là, c'est que effectivement, vous n'êtes pas venu. Enfin bon, c'est pas grave, je vous le dis quand même. D'autres rendez-vous d'impro, on vous en donne tout à l'heure, et bien sûr aussi. Donc on en reparlera, je pense qu'on fera même une émission spéciale, et Improstation fera partie de la semaine de l'impro, puisque nous aurons une émission à tous les jours de la semaine, à midi, de midi à 13h, pendant la semaine de l'impro, de fin avril à début mai. Voilà, on vous en redira plus, bien sûr, au fur et à mesure. Il est déjà 20h39, presque 40, on va improviser. Et jeune Jean, je vous propose là maintenant de vous donner des contraintes à chacun d'entre vous. Okay. Soit effectivement, soit des personnages, soit des personnes connues, donc voilà, et ou soit une indication de jeu. À vous de voir. Alors vous allez comme ça, par exemple. Est-ce que Antoine, je peux te demander une contrainte pour Monsieur Alex? Oui. Oui. Eh bien, il parlera en verlan avec un accent belge. En verlan avec un accent belge. Ça fait déjà deux contraintes, mais Alex sait relever tout ça. Il sait le faire. Tu les feras alternativement. Quoi. Ah, tu fais comme tu peux. Oui, c'est. Alors, pour, ça pour, va être bien. Pour, oui. Alex pour. Alors pour Clément, c'est simple, il fera l'accent camerounais. L'accent camerounais. Il le travaille beaucoup à l'atelier en ce moment. Il le travaille bien, oui. Enfoiré. À la télé. Pourquoi la télé? Non, à l'atelier. Ah, autant pour moi. Pas autant pour moi. À l'atelier. Alors, Clément, pour Cédric Lacroute. Eh bien, Cédric Lacroute sera une jeune bourgeoise. Oui. Oui. Vous savez. Très bien. Parfait. Très bien. Et Cédric, pour Antoine. Eh bien, Antoine, j'aimerais beaucoup qu'il nous montre un peu tout son potentiel poétique. Et pour cela, j'aimerais qu'il ne se mette aucune limite en poésie. Dès qu'il part, ça part en un peu. Il faut que ce soit. Ça doit être beau, tu vois. Bam, tu vois. D'accord. Pas forcément des rimes, hein, on s'en fout des rimes. La poésie se libère de tout. Tu es un poète, tu es un artiste. Okay. Tu es beau. Très bien. Bon, parfait. Donc, on va essayer de retenir tout cela. Et bien sûr, on va commencer cette improvisation qui s'appelle Amour, gloire et beauté du dernier titre de l'album de Manu Etienne, Amour, gloire et beauté. On y va tout de suite avec une petite ambiance derrière, évidemment. Jeune bourgeoise. Comment? Jeune bourgeoise. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ludwig, mon héritage, à qui le dénou, le donner? À l'heure de ma remords, de ma mort, je dois un choix faire. Peux-tu, s'il te plaît, m'aider? Bien oui, je peux vous aider, je peux vous porter mon aide, je peux vous tendre la main, vous prendre dans mon... Dans ma puissance. Simer, mais ce que j'aimerais que vous sachiez pas serait de checker les potentielles personnes qui peuvent hériter du gameau. Mais c'est un peu à vous de choisir dans quelle bassine je vais puiser cet héritier. Est-ce que c'est dans votre famille peut-être? Oui, essayez mon refrain. Il est au Murumka. C'est quelqu'un de très négéreux. Très bien, alors je vais lui téléphoner. Et essayez aussi ma Yuffi. Elle s'appelle Rasa. Elle vit à côté. D'accord. Testez-les. Alors j'irai quérir les deux. Quelques instants plus tard... C'est vous? Ah oui, c'est moi là. Vous êtes... Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux là? Je suis ici pour une mission qu'un ami important m'a confiée. J'ai sur moi le poids poids de l'amitié, le poids de tout. Je le sens bien là et je suis tout à fait prêt à t'aider là. Dis-moi donc, tu viens pour mon père, c'est bien ça? Eh bien non, c'est pour votre frère. Mon frère? Eh oui. Ne me dis pas qu'il veut... Il se trouve mal et il est à la recherche d'un héritier. De quelqu'un qui pourra prendre la succession de son affaire. Bah écoutez, je suis tout à fait prêt à prendre la succession du magot surtout. Il n'y a pas de problème, je peux distribuer à toute ma famille comme... Je suis très généreux. Non, il ne faut pas que vous distribuiez à toute votre famille. Si votre frère m'a demandé d'aller voir vous, c'est pour que le magot... C'est pour vous que vous lui posez la stionke. La stionke est alpha. La question qu'il m'a donnée pour vous, c'est... Celle sur le... Céros Rhino. Est-ce qu'un rhinocéros pèse plus lourd qu'un semi-remorque? Ça, je suis tenté de dire que oui. Eh bien, je crois que l'héritage va venir à sa fille. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais c'est un scandale! C'est un scandale! Écoutez, calmez-vous. J'avais des conditions précises... D'ailleurs, ce n'est pas reçu que ma fille emporte le terriage. Oui, car elle aussi... doit répondre à une stionquette alpha. Eh oui. Je vais aller la voir, de toute façon, elle est juste à côté. Je vous suis. Mais entrez. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes magnifique. Oui, je sais. Mais, excusez-moi, vous me dérangez en plein après-midi, j'étais au spa... Et je peux vous demander pourquoi vous venez me déranger? Je suis vraiment navré de vous importuner pendant cette paisible après-midi, mais j'ai une question à vous poser. Oui, alors déjà, l'après-midi était paisible avant que vous arriviez, alors faites vite, s'il vous plaît. La question, rappelle-toi, sur le Zatterbrumi. Qu'est-ce qui contient plus d'eau entre un brumisateur et le Marineland? Alors, je tiens tout de suite à vous dire que les gens inconnus qui débarquent en plein après-midi me dérangent dans mon spa, me posent des questions absurdes entre des brumisateurs et les Marineland, je suis désolé de vous dire, à moins que ça soit pour une histoire d'héritage, ça ne m'intéresse pas. Mais justement, c'est pour ça. Ah, alors c'est le Marineland, à l'évidence. Je plaisante, vous ne me plaisantez. Alors, vous voulez un thé ou quelque chose comme ça? Vous aimez le thé noir, le thé? Écoutez, ce n'est pas la peine d'essayer de me soudoyer. Non, je suis là. Je ne soudoie pas, vous voulez quoi? Un petit biscuit, gâteau, altruisme. Écoutez, prenez ce coffre. C'est le coffre de l'héritage, peut-être? Il manque la clé. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Normalement, si vous cherchez, vous trouverez comment l'ouvrir. Cherchez dans votre passé. Dans mon passé, il n'y aura pas de clé dans mon passé. Papa, oui. C'est quoi la clé autour de ton cou? Ah, j'ai trouvé. Oui, c'est la clé autour du cou de mon papa qui ouvre le coffre, c'est ça? Oui, nous l'avons enterré avec. C'est-à-dire que je suis contre l'avortement, contre l'euthanasie. Par contre, je ne suis pas forcément contre les exhumations, vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Alors, puisqu'il voulait de toute façon que vous ayez cet héritage, on va aller la chercher ensemble. Oui, alors on se dépêche parce que bon, je... Dépêchez-vous. Je la vois. Prenez-la. Sors. Papa, pourquoi tu es enterré dans ce cercueil? C'était pour tester ta déliphilée. Papa, tu sais très bien que la seule chose qui compte vraiment à mes yeux, c'est l'héritage. Arrête, Je veux dire, à part l'amour... C'est comme ça que tu m'as appris à vivre, papa. L'argent. Tu fais fausse route. Je suis désolé de t'étrangler comme ça. Pas avec une pelle. Alors, comment ça se passe là-dedans? Pas très bien. Je prends la clé, papa. J'ai la clé. Ah, vous avez la clé. Super. Voilà, donc je vais ouvrir la boîte, merci papa. Alors mon papa, merci papa, merci surtout hein, à la fondation. Voilà, donc si je peux ouvrir la clé, voilà. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Chère Sarah, si tu lis ce message, c'est que tu as ouvert la boîte. Et si j'ai ouvert la boîte, c'est que tu m'as tué. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un piège! C'est ça, c'est un piège! Vous m'avez piégé! Eh oui, nous t'avons piégé. C'était pour tester tes valeurs humaines. C'est une émission pour tester ta beauté, qui n'est plus que physique dorénavant, et tout le monde le sait. Mais j'ai quand même tué mon papa pour ça, là! J'ai quand même assez aucun intérêt! Eh oui, mais une bonne leçon mérite des sacrifices. Non, mais là, c'est quand même un peu poussé. Je crois donc que l'héritage est à moi! Mais il n'y a pas d'héritage. Il a rien compris, celui-là hein. L'héritage, c'était la leçon. Et vous l'avez reçu tous les deux. Bon bah, on n'a qu'à dire que je garde la boîte et tu prends le mort. Très bien. Bon bah, ça va. Bravo. Ouais, c'était génial. Ouais, moi j'ai trouvé ça c'est bien. C'est une vision du futur de la ouais. télé-réalité. C'est je trouvais ça bien. C'est super! Non, franchement, j'ai trouvé ça bien. Il est en train de se pendre. Non, mais enlève la corde. Ah, mais elle est corde! Non, franchement, c'était très bien. En plus, ça collait pas trop mal aux ambiances au fur et à mesure. C'était bien, j'aime bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire quant à vos actualités réciproques, respectives, plutôt? Je ne sais pas. Non, y en a-t-il? Demain, à 9h du mat, il y aura une permanence obligatoire pour les secondes 7 qui a été déplacée à 11h. Très bien, c'est bon à savoir. Également, tiens, je tiens à préciser, à Saint-Dié, bien sûr, c'est ce samedi, une fois par mois, c'est l'initiation au théâtre d'impro. C'est donc la compagnie Acte qui propose cela, animée par moi-même, voilà, ça va être sympathique, de 10h à 17h à Saint-Dié, dans le quartier Kellerman, Saint-Dié-des-Vosges, évidemment, dans le quartier Kellerman, c'est demain samedi, après-demain samedi, évidemment. Il est peut-être encore le temps d'écouter un morceau très court de Station en Station qu'on va découvrir, c'est donc Manu Etienne et après justement on terminera en beauté en chanson. Je ne vous en dis pas plus. Allez, Manu Etienne rapidement pour découvrir et juste après on retrouve Impro Station évidemment. C'est parti mon kiki. On va faire des trucs bien. Allez, de Station en Station, Manu Etienne et encore quelques instants ensemble. À très vite. Le temps aujourd'hui. ça dit n'importe quoi. Bonjour, c'est pas toi qui choisis. Ton père un peu mon pépère. Je parle plus autant, je le perds. Sauf si de station en station, à l'attention qui me porte. Sur toute la ligne, je demande même pas aux gens. C'est où? De dos, je ne sais pas s'ils m'aiment. Ça m'étonnerait vu l'heure. Surtout celui qui a un pull belge. Pourtant, de station en station, je me sens pas trop moche. Cette fois-ci, je l'aurai pas, c'est sûr. J'aime trop tes fesses. Je me décroche à peine de la nuit que tu me manques déjà. Pour me retrouver mes amis avec une dame qui me demande si les valises sous les yeux, je les garde à l'est. Je sais pas. De station en station, toute l'attention que tu me portes. Jamais il ne bat sans arrêt pour le mien. Manu Etienne. Voilà, dans Impro Station, on retrouve notre équipe du soir ce soir, Alex Clément, Cédric et Antoine. Le bordel avec leur guest, groupe d'improvisation, monsieur Cédric Lacroutz de retour, qui vient de renaître, telle une résurrection. Une bonne nouvelle, parce que a priori, pas mal de choses à venir en impro encore, jusque cet été. On parlait de la semaine de l'impro, des actus du bordel, que ce soit Nancy, Metz, ça se joue un petit peu tout partout. Je voulais dire, voilà, mais j'ai déjà oublié. C'est la pas grave, ça reviendra. La semaine de l'impro, tu voulais parler de la semaine de l'impro à Nancy. Oui, la semaine de l'impro à Nancy, parce qu'il y en a sans doute d'autres ailleurs, c'est ça que tu veux dire? Bah, c'est devenu, alors, je vais pas m'étendre trop parce que je connais pas les infos précises. Ouais. Mais la semaine de l'impro, ça fait quand même une grosse paire d'années que ça existe. Oui, c'est vrai. Pour la première fois, c'est l'édition qui a pris 2 ans à s'organiser parce que ça veut grossir. Et donc, c'est de retour cette année. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui attendent ça. Et donc, ça va se dérouler, si je me souviens bien, fin avril, première semaine de mai. Pardon. Et justement, on en reparlera dans la prochaine émission, effectivement, puisqu'on sera au mois d'avril, et là, on parlera bien précisément, au mois d'avril, oui, on parlera bien précisément de cette actualité, donc, a priori, gros programme à venir, et à découvrir avec toujours des gens qui viennent un petit peu tout partout en France et voir international beaucoup. C'est vrai. Et voilà, donc on salue les organisateurs, on en reparlera évidemment. Allez, il nous reste quelques instants, quelques minutes pour une dernière improvisation. Catégorie chantée bien sûr, avec le thème toujours de l'album de Manu Etienne Vaudémont, c'est La fille imperméable. La fille imperméable, je ne sais pas ce que c'est, mais on va découvrir ça ensemble. Et je vous propose bien sûr une ambiance, quelque chose d'ailleurs que vous reconnaîtrez immédiatement. Vous êtes prêts? Bon courage, c'est à vous. Chanter juste ou chanter faux, c'est un autre souci. J'aimerais vous parler d'une fille, elle est si fragile, et pourtant elle ne pleure jamais, parce qu'elle est agile. Elle sait cacher ses sentiments, n'est jamais triste quand on lui ment, n'apparaît jamais dépassée. Elle a tout intériorisé. C'est la fille imperméable. Les larmes ne la touchent pas, non. Les larmes ne la touchent pas, non. Je vous vois. Parlez-moi. Un cœur de pierre, telle une sorcière, quand elle marche dans la ville. Les gens se retournent par derrière pour voir qui c'est qui vient passer. C'est la vie imperméable. Elle ne pleure jamais. Personne n'a vu une goutte sur son visage depuis 7000 années. C'est la vie imperméable. Tu ne m'atteins pas, égosie-toi. Tu ne m'atteins pas, j'en ai rien à battre. Quand tu lui achètes des fleurs, tu crois conquérir son cœur. Mais tu ne fais rien que l'énerver. Tu sais plus quoi faire, t'es bon à acheter. Cette fille, je sais plus quoi faire. Pour la séduire, je ne sais plus quoi faire. Pour la faire pleurer, y'a qu'une solution. Pour la bastonner, la boîte à outils, le tournevis, la scie, le marteau, découpe-la, la cage, et puis les pinces, les faire mal électrifier, la soumettre et la fouetter. Oh, c'est comme ça que je ressens des émotions. Elle aime le cuir. Elle aime le fouet. Elle aime tout ce qui pique, qui lui fait mal à l'oreille. Alors arrêtez tout doux. Et voilà, c'était Improstation spécial bordel, je pense qu'on l'aura bien foutu. Avec Alex ce soir, Clément, Antoine et Monsieur Cédric Lacroute. Restez connectés, il y a plein d'impro en Lorraine et c'est déjà pas mal. Allez, en terminant, on a poté aux avec oh les oui, oui, elle ne laisse rien passer. Imperméable. Quand elle met sa capuche, les mecs sont à ses pieds. Elle s'épile partout sur le corps. Comme ça, tout ruisselle. Enfin, pour les paroles écrites à l'avance, fournies par Fadjet, je trouve que c'est un peu limite. Ça va finir par se voir. Ouais. Non, mais que vous soyez anti-femme, c'est des choses, mais là, ça se voit. C'était beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Merci à vous. Bienvenue. Merci à Manu et Etienne pour ces thèmes. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et c'est un bon bordel. Merci à vous et on vous suit bien sûr sur vos. Vous avez un Facebook, le bordel, c'est quoi? Le bordel. Un promesse. Un promesse. Merci à vous, on se retrouve très vite en impro. www.u.e. A bientôt. Au mois prochain. Salut, ciao, ciao. Merci Steve. Salut. Bientôt, merci. Bonne Salut du monde.